Exercice 8, page 52. A. Je leur prête. Transformer. Oui, prête-leur. B. Je leur laisse. Transformer. Oui, laisse-leur. C. Je leur fête. Transformer. Oui, faites-leur. D. Je leur jette. Transformer. Oui, jette-leur. E. Je leur cède. Transformer. Oui, cède-leur.